et bienvenue dans le 30e numéro de Animer nos mélodies. Au sommaire, de la fantasy et de la comédie avec la première saison de Slayers, du drame victorien avec la jeune princesse Sarah, et on terminera avec des démons et de la parapsycho avec le premier film de Silent Mobius. なる汝の名において我ここに誓わん我らが前に立ち塞がりし全ての愚かなる者に我と汝が力もて等しく滅びを与えんことドラグスリーム暴れるモンスターあればとことんぶちのめし。 輝く Vous venez d'écouter Get Along, le premier opening de Slayers, chanté par Megumi Hayashibara, qui joue aussi le rôle de Lina Inverse. Slayers est une série d'heroic fantasy créée par Hajime Kanzaka. Il s'agit à la base d'une série de romans illustrés, des light novels, qui ont été par la suite adaptés en manga, dessinés par Rui Araizumi, Shoko Yoshinaka et Tomi Otsuka, et en animé avec 3 saisons de 26 épisodes sortis en France chez Déclic Images et 2 de 13 épisodes, Révolution et Évolution R, dont une partie furent éditées par Black Bones en France, mais aussi 2 séries de 3 OAV et de 5 films. L'histoire tourne autour des aventures de Lina Inverse, une sorcière surpuissante et spécialiste de magie noire, qui parcourt le monde pour acquérir des trésors et de l'expérience. Autour d'elle se construit un groupe d'amis qui fera face à des périls mettant en danger le monde entier. L'aventure, l'action et l'humour tiennent une place très importante dans la série, avec des moments d'anthologie remarqués lors de la diffusion, ce qui place cette franchise parmi les plus grandes séries des années 90. Le compositeur des musiques de la franchise télé de Slayers n'est autre que Osamu Tezuka, compositeur dont je vous ai déjà parlé dans le 6ème numéro de Anime no Melody pour une autre série quelque peu dérivée de l'univers de Slayers, Lost Universe. Encore une fois, il s'agit ici d'un mélange de musique électronique d'assez moyenne qualité avec des compositions orchestrales incroyables d'une qualité rare et à la composition inoubliable avec des thèmes cultes aujourd'hui. Comme la série est aussi un succès de par ses seiyuu, il y a de nombreux mini-dramas qui parcourent chaque CD de la franchise, mais ils ne sont pas rébarbatifs, car toujours drôles à écouter, même si on ne comprend pas toujours le japonais. On écoute tout de suite quelques morceaux des 2 CD qui composent la première série. Thank you. Thank you. En 2028, à Tokyo, la ville est obligée de faire face à la pluie acide, conséquence de la pollution. La vie est donc très dangereuse, sans compter la présence des Lucifer Hawks, des entités provenant d'un monde parallèle appelé Nemesis, qui s'attaquent aux humains. Face à ce fléau, une section de la police, l'ANP, l'Attacked Mystification Police, a été créée 5 ans plus tôt. Katsumi Licker, une jeune femme de 22 ans, hantée par la mort tragique de son père, combat courageusement les Lucifer Hawks au sein de l'ANP. Au cours d'un combat, elle se remémore comment 4 ans plus tôt, elle s'était retrouvée bien malgré elle dans cette lutte épique. Kaoru Wada, disciple d'Akira Ifubuke, le compositeur de Godzilla, était à l'époque de San Mobius encore novice dans la création des musiques d'anime. Ce fut d'ailleurs son premier travail. Son style original et unique par rapport à la production de l'époque, à la fois mystique, grandiloquent, baroque donc, permettait à chaque œuvre dont Kaoru Wada composa la musique de se compléter pleinement, comme dans Sazanaze, les enquêtes de Kindaichi, la série télé de Lodos, Harlock Saga et bien d'autres. Sur Sound Mobius, le film, la musique est primordiale, sauvage, baroque, avec des chants stylisés. Une merveille de composition qui cristallise le monde caché des combats des humains contre les Lucifer Hawks. On écoute tout de suite la musique. Yolanda. Thank you. qui restera bien levé, levé. Princesse Sara, ou en japonais Shoujoko Sara, littéralement Sara la petite princesse, est une série télévisée d'animation japonaise en 46 épisodes, créée en 1985 par Ryuzo Nakanishi, d'après le roman La petite princesse de Frances Hodgson Burnett en 1888. En France, la série a été diffusée pour la première fois à partir du 1er mars 1987 sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Elle a été rediffusée plusieurs fois depuis. Produit par Nippon Animation, ce studio fut véritablement le spécialiste des adaptations de romans dans les années 80, comme Tom Sawyer, Alice, Pollyanna, Annette, etc. Et signe avec Princesse Sarah un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Ce dessin animé dramatique est en effet considéré pour beaucoup comme étant le plus triste jamais réalisé, avec Rémi et un chien des Flandres. Je vous propose de découvrir l'opening japonais Anano Sasayaki, Soupir d'une fleur, chanté par Satoko Shimonari, bien différent de la version italienne chantée elle en France par Christina D'Avena. Une dernière info, la musique de la chanson a été composée par Katsuhisa Hattori, que vous connaissez déjà pour les musiques de Tom Sawyer ou le film de Hokuto no Ken, Ken le survivant. No mune no katasumi. Higuchi Yasuo, le compositeur de la série, n'a pas beaucoup créé de musique d'anime, mais dans l'ensemble, a su mettre sa patte dans les plus grands succès populaires des années 80, comme la musique d'After War Gundam X, Phoenix 2772, l'adaptation du manga de Osamu Tezuka, mais aussi Bremen Fowl. Son style classique plaira à nombre d'entre vous, j'en suis sûr, composé de sonorités envoûtantes et mélancoliques, et grâce au double CD des musiques de la série sorti il y a quelques années, vous allez redécouvrir celle-ci dans de bonnes conditions, et même quelques bonus coupés dans la série. Bonne écoute! Thank you. Animer nos mélodies, c'est terminé pour ce mois-ci. Je remercie mes partenaires radio-anime.net, terrahumanis.fr, Yankuza et Ridoka, ainsi que les festivals Mangamania et Mangalaxy. On écoute pour terminer une chanson de la série Sora no Woto, chantée en français dans la série, composée par Michiru Mishima, Servante de Feu. Une chanson qui vous fera frissonner, j'en suis sûr. Et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Chante.